l'histoire d'un architecte, Nicolas Gilsoul, qui pour son métier a parcouru les villes du monde entier. Il a rencontré des gens passionnants avec qui il a réfléchi à l'aménagement des mégapoles de demain. Mais au cours de ses voyages, il a aussi croisé dans la jungle urbaine tout un bestiaire inattendu. Des coyotes à Chicago, des faucons à Ulan-Bator, des kangourous à Canberra, des ours polaires à Churchill ou encore des léopards à Bombay. Ces rencontres ont donné envie à notre architecte de s'intéresser au parcours et à l'histoire de ces animaux attirés par les richesses de nos cités. Dans un livre intitulé « Bêtes de ville » paru chez Fayard, il raconte comment ces animaux se sont adaptés à la vie au milieu des gratte-ciels et du béton. Certains ont même muté. Leur comportement ou leur physique se sont transformés pour survivre dans cet écosystème particulier. Qu'est-ce qui pousse ces bêtes sauvages à s'installer en ville? Dans quelle mesure la cohabitation entre cette faune et les citadins est-elle possible? C'est ce que nous allons voir avec Nicolas Gilsoul dans un instant. Et en fin d'émission, nous quitterons la ville pour la montagne. Le réalisateur Jean-Michel Bertrand nous emmènera sur les traces du loup dans les Alpes et le Jura. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. J'ai entendu un bruit derrière moi et puis j'ai vu mon chien s'envoler. Et deux secondes plus tard, c'était mon tour. Il m'a chargé sur la cuisse gauche. À Berlin, si les attaques de ce type restent exceptionnelles, elles ne surprennent plus. Entre 3 et 8 000 sangliers peupleraient la capitale allemande et il n'est pas rare d'en apercevoir jusque dans son jardin. On se fait tout un cinéma. On pense tout de suite sanglier égale danger. Il pourrait charger. Nous, on essaye d'expliquer aux gens qu'il faut rester calme. Bonjour Nicolas Gilsoul. Bonjour Daniel. Vous êtes architecte paysagiste et docteur en sciences, passionné de nature. Nous venons d'entendre l'extrait d'un reportage AFP daté de 2017 et c'est l'un des nombreux exemples que vous donnez dans votre ouvrage « Bêtes de ville » paru chez Fayard. Il y a des sangliers à Berlin et pas qu'un peu. Hein. Mais pas qu'un peu, oui, oui. Selon les chiffres, c'est entre 3 000 et 30 000. Donc c'est énorme. Et évidemment, ils sont dans le cœur de Berlin parce qu'on a tout fait pour les attirer là. On a étendu des corridors écologiques, des parcs, des systèmes de parcs depuis le cœur de Berlin jusqu'aux extérieurs. On a éliminé les prédateurs dans le cœur de ville. Il n'y a pas de chasseurs non plus parce que ce serait un petit peu dangereux. Et là, on arrose énormément alors que à l'extérieur, on arrose beaucoup moins avec les sécheresses. Les sangliers viennent évidemment chercher ce qu'ils ont à trouver dans le cœur de ville de Berlin. Mais alors, ils n'étaient pas là depuis longtemps. Ils sont revenus. Quand ces sangliers ? Alors ils sont revenus progressivement de la même manière que les coyotes sont revenus à Chicago, de la même manière que les marsupiaux, les kangourous, etc. sont revenus un peu partout. Le problème n'est pas tellement qu'ils reviennent, c'est surtout que nos villes s'étendent. On a toujours tendance à dire que les villes attirent des animaux sauvages aujourd'hui, on s'étonne du retour du renard, etc. En réalité, c'est nos villes qui s'étendent de plus en plus et donc on marche sur leur territoire et donc les frontières deviennent floues et forcément ils viennent ici parce qu'il y a plus à manger. Et alors on trouve notamment à Bombay des léopards. Mais ça paraît incroyable de retrouver des de tels léopards. Fauves en pleine ville. Oui, et une quarantaine en plus. Ouais. C'est pas un léopard, ouais. C'est une quarantaine de léopards. En fait, il faut savoir que Bombay, c'est une mégapole immense. Et au cœur de Bombay, il y a une forêt. Et cette forêt fait 3 fois la taille de Paris. Donc, c'est pas une petite forêt, c'est même pas le bois de Boulogne. C'est 3 fois la taille de Paris. Et donc, dans cette forêt immense, il y a plein de bestioles. Il y a des mangoustes, il y a tout un tas de trucs. Et il y a une quarantaine de léopards sauvages, en liberté. Le problème, évidemment, c'est la cohabitation avec les bords. Parce que ces léopards sortent de temps en temps de la ville et vont chercher dans les bords habités souvent par des bidonvilles ou des systèmes de favelas, vont chercher à manger dans ces endroits-là. Et bien évidemment, il y a aussi des humains qui habitent là, donc la cohabitation est assez délicate. Mais dans ce cas-là, les léopards étaient donc là avant que la ville ne les encercle. Et la forêt aussi. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ils ne sont pas venus, ils sont restés finalement. Ils sont restés et c'est nous qui avons qui les avons entourés. Ouais. Et donc c'est à nous maintenant, aujourd'hui, de nous habituer et de sauter au-dessus de nos préjugés et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, le léopard, en fait, c'est un gros chat. Donc, comme votre chat, quand vous le déplacez pendant les vacances dans un petit panier, il devient dingue. Quand vous le lâchez, il griffe. Le problème du léopard, c'est qu'il fait des bonds de 6 mètres et il est un petit peu plus imposant. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas déplacer les léopards pour aller les mettre dans des endroits où il y avait moins d'humains, parce qu'en réalité, là, il pétait les plombs et il risquait d'attaquer. Mmh. Donc, le mieux est de le laisser là où il est, mais d'apprendre à vivre avec lui. Et donc, il y a tout un tas de règles que la ville de Bombay met en place et sous forme de bande dessinée. Ils expliquent aux habitants des franges, comment cohabiter avec le léopard. Donc, par exemple, faire pipi debout la nuit avec un téléphone portable allumé pour faire de la lumière et du son pour ne pas se faire confondre avec une proie, quoi. Ouais. Alors, il faut cohabiter avec ces animaux, mais jusqu'à un certain point. Par exemple, Sao Paulo, cette ville du Brésil, vous le racontez, a été construite sur une cité de scorpions. En fait, il y avait des scorpions avant sur cet endroit. Et les scorpions n'ont pas été dérangés par ces constructions. Ils continuent d'être là. Mais c'est compliqué de cohabiter avec ces scorpions, qui sont particulièrement dangereux. La cohabitation est particulièrement délicate, parce que en plus, c'est un des quatre scorpions les plus dangereux au monde. Ouais. C'est un petit scorpion jaune qui est tueur. Et donc en 2000, 1400 piqûres. Aujourd'hui, 14 000 piqûres, donc c'est quand même une grosse augmentation qui est due à deux facteurs. Le premier facteur, c'est le changement climatique. Donc il fait plus chaud, les scorpions sortent. Et deuxièmement, très très mauvaise gestion des poubelles et des déchets à Sao Paulo. Donc évidemment, les scorpions vont chercher à manger là aussi. Et donc on en a de plus en plus. Le problème du scorpion, c'est que même une bombe atomique n'arrive pas à le vaincre. Oui. Et ce qui serait de toute façon une mauvaise solution, hein, lâcher des bombes atomiques sur Sao Paulo avec pour régler le problème. Avec le président brésilien, tout est possible. Mais la vraie solution, ce serait certains types de singes, ce serait des toucans qui, eux, sont les prédateurs naturels du scorpion. Le singe a, par exemple, appris à prendre le scorpion par la queue pour ne pas se faire grignoter, et il le dépiote comme à Noël pour quand vous dépiotez une écrevisse. Donc il est très très fort là-dessus, le toucan aussi. Bon, le problème, c'est que Sao Paulo est une ville qui est extrêmement minéralisée, donc il y a très peu d'espace vert et ils ne sont pas mis en réseau. Et donc tous ces animaux-là ont disparu. Mmh. Et donc les prédateurs naturels ayant disparu, le scorpion sort et gagne toutes les couches de la population, c'est-à-dire aussi bien les favelas que les tours de 50 étages de luxe. Donc il faudrait que ces singes reviennent, et il arrive que des animaux reviennent une fois la ville construite. On peut faire par exemple de surprenantes rencontres dans les rues de Chicago aux États-Unis. Lorsque Chicago et ses 9 millions d'habitants s'endorment, de nouveaux occupants se réveillent. Cette silhouette est celle d'un coyote. Ces animaux sauvages habitués des grandes plaines ont élu domicile là où personne ne les attendait, dans les mégalopoles du nord de l'Amérique. Oui, ils sont là. Ils se déplacent vite. Sur cette voie ferrée, ce scientifique observe deux coyotes grâce au GPS qu'il a placé sur eux. En milieu rural, il y a beaucoup plus de pression liée à la chasse ou au piège. Mais ici en ville, ils vont très bien. Ils sont en bonne santé, ils n'ont pas de prédateurs. Ils se nourrissent principalement de rongeurs. Il y a pas mal de rats ici en ville. On compte environ 2000 coyotes à Chicago. Dans sa voiture spécialement équipée, Shane passe plusieurs nuits par mois à étudier leur comportement. Ce qui l'étonne, c'est la capacité de cette espèce à s'adapter au milieu urbain. Ces animaux comprennent très bien les règles de vie dans les villes. Ils savent ce qu'il faut pour survivre. Des fois, quand ils arrivent à un carrefour, le coyote sait qu'il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser. Il connaît les sens de circulation. Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 en 2018. Aujourd'hui, il y aurait 15 000 coyotes à Chicago. Ils errent comme ça au pied des gratte-ciels et dans les parcs. Là, dans ce cas précis, la ville est un refuge pour ces coyotes, Nicolas Gilsoul. Oui, ils sont revenus. Ils sont revenus par la côte ouest. Ils sont revenus depuis le Canada. Et aujourd'hui, on en a trouvé jusque dans Central Park à New York. Donc, ils sont jusqu'à la côte est. C'est un refuge. Pourquoi ? Parce que, justement, ils ont été fort chassés. On l'entend dans le reportage, notamment sur les terres agricoles. Et en ville, ils n'ont plus de prédateurs naturels. Les chasseurs ont disparu, c'est comme les sangliers. Et ils trouvent énormément de nourriture. Donc, leur territoire de chasse s'est réduit aussi, leur comportement, leurs habitudes, etc. Et ils trouvent dans la ville de quoi manger, de quoi se protéger et de quoi se chauffer, enfin en tout cas se protéger. Ouais. Voilà. Mais ça peut poser un problème, là encore, 15 000 coyotes avec les citadins. Alors oui, sauf que, et c'est là où la ville de Chicago est assez géniale, c'est qu'ils ont mis en place d'abord un grand programme d'études scientifiques pour comprendre comment les coyotes fonctionnaient, et puis un grand programme de pédagogie par rapport aux habitants de Chicago, pour leur rappeler que cet animal est sauvage. C'est ça qui est intéressant dans la cohabitation, c'est que on n'est pas à Disney, on n'est pas chez Disney, c'est pas Mickey, c'est pas un autre gentil animal, c'est un animal sauvage. Et il faut qu'il reste sauvage, parce qu'à partir du moment où on lui donne à manger, par exemple, à ce coyote, il n'aura plus peur du citadin, et donc il va prendre des risques, et donc il risque aussi d'être dangereux. Alors que si on le laisse sauvage et qu'on garde cette distance, mais qu'on le laisse vivre, qu'on le laisse traverser notre jardin, etc., c'est un allié alliés extraordinaires. Et c'est là où, moi, ça m'a intéressé dans toutes ces enquêtes, c'est d'essayer de trouver les alliés pour les villes, les alliés à travers ces animaux. Et alors, en quoi le coyote peut-il être un allié? Alors, c'est un allié parce que c'est un super prédateur. Donc, le coyote va virer les rats, va virer les opossums, va virer tous les petits indésirables, ratons laveurs et autres, qu'on a de nos villes et qu'on est obligé, nous, aujourd'hui, de chasser à coups d'armes bactériologiques ou chimiques graves, quoi, voilà. Ouais. Il faut laisser cet écosystème s'équilibrer, en fait. Alors, l'équilibre est très délicat à trouver parce que la ville, c'est une mosaïque d'écosystèmes, de milieux différents qui interagissent les uns avec les autres. Et c'est là où, en tant qu'architecte, moi, ça m'intéresse de travailler là-dessus. C'est sur la question, par exemple, il faut redéfinir les limites. La limite est l'enclos. Les infrastructures comme des corridors de passage et de chemin de traverse pour certains animaux. La limite du jardin, l'épaisseur de la façade et de la peau des bâtiments qui deviennent refuges, hôtes, etc. Donc, c'est toutes ces petites, des petits éléments d'aménagement urbain, de questions aussi territoriales, qui permettent à ces animaux de trouver leur chemin entre la ville et l'extérieur de la ville. Ouais. Pas les piéger à l'intérieur. Ouais. Alors, il y a quand même parfois des paradoxes, ou en tout cas des dilemmes, hein, parce que ce sont des espèces menacées qui viennent se réfugier parfois dans ces villes, notamment des ours polaires, que vous avez joliment rebaptisés ours scolaires. Ça se trouve dans plusieurs grandes villes du Nord, alors que cette espèce est menacée, eh bien, elle se trouve être parfois envahissante pour certaines villes. Oui, on l'a vu il y a deux semaines, quelque chose comme ça, il y avait ces ours polaires qui sont venus gratter à la porte de ces habitants de cette petite ville en Russie, avec évidemment le réchauffement climatique qui descend de plus en plus. Ils cherchent de la nourriture et ils cherchent un refuge. Et ce qui m'avait étonné, en même temps amusé, c'était la manière dont les différents pays réagissaient. En Russie, on les envoyait en Sibérie, dans un goulag très loin, mais on disait qu'ils étaient bien. Au Canada, on les met dans des prisons, comme des shérifs, comme vous voyez dans les westerns, en attendant que les vétérinaires viennent trouver une solution. Et en Suède, et là j'avais trouvé ça formidable, c'est qu'en Suède, une loi a été passée, on ne pouvait plus abattre un ours qui venait trop près, un ours blanc qui venait trop près, s'il était accompagné de son petit. Et du coup, en quelques générations, les ours polaires scolaires ont fini par apprendre la chose, et les mamans qui restaient avant 6 mois avec leur petit restent maintenant un an et demi, ouais, pour se protéger elles, mais pour les protéger eux aussi. Ouais. Et ce qui est très bien, parce que du coup, eux, quand ils sont lâchés 1 an et demi plus tard, ils sont assez grands que pour affronter des adultes mâles. Et donc, ils survivent. Donc, il y a une espèce d'équilibre. Oui, c'est ça, un phénomène d'adaptation. Nous allons découvrir dans cette émission comment les animaux s'adaptent en ville, aussi bien dans leur comportement que dans leur évolution biologique, hein, au point de vue génétique. Et puis nous verrons aussi que parfois ce sont les villes qui s'adaptent pour leur faire de la place. Cet après-midi sur France Inter, Nicolas Gilsoul nous emmène à la découverte de l'étonnante faune que l'on peut croiser dans les villes du monde entier. C'est ça qui est dingue. On est entouré d'immeubles et de gratte-ciel. Et il y a un léopard qui se promène au milieu de tout ça. On ne parle pas d'un cerf, d'un lapin ou d'un chien errant, mais d'un léopard sauvage qui se trouve en plein centre-ville. Moi, j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix. J'en connais un parmi eux, il est fantastique. Autrefois, on l'appelait Renaud le renard. Et depuis qu'il boit du lait, il est bien plus pénard. J'aimerais bien lui parler de ma tortue Pénélope, qui fait rien qu'à hiberner et qui est un peu myope. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. Ma passion depuis toujours, c'est les cachalots, les baleines et leurs amours, les petits baleineaux. J'aime beaucoup les rapaces, les éperviers, les aigles, les colombes et les limaces. Bonjour Larry, espiègle. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Les animaux, c'était Renaud. France Inter, du vent dans les synapses. Chez l'égoutier, souvent, bien souvent, il se sert le rat des épaules de l'égoutier pour passer d'une canalisation à l'autre. Hein. On s'y attend pas, c'est plutôt surprenant que dangereux en fin de compte. Hein. Et bien souvent, on fait des remorques aussi, on se tient sur les mains courantes et tout ça, le rat il passe dessus, on s'en aperçoit même pas. C'est le collègue qui vous dit « Ah bah t'as vu, t'as un rat qui est passé sur ta main ». Nous, on vit en fin de compte avec eux en bonne communauté. Hein. On peut même éventuellement leur donner des noms. Parce que moi, j'en ai élevé sur certains secteurs. Enfin, élevé, c'est un grand mot. Mais je les accoutumais à moi. Quand j'ai dit au départ, je leur donnais du pain, tout ça, ils venaient tous les jours. Sur certains secteurs, c'est vrai. Ou alors, on les sifflait, tout simplement. Ici, moi, j'en avais élevé un petit peu. Un égoutier cohabitant de façon assez paisible avec les rats dans un extrait des Nuits Magnétiques de France Culture. Nous étions en 1991. Notre invité, l'architecte passionné de nature, Nicolas Gilsoul, signe Bête de Ville aux éditions Fayard. Alors Nicolas Gilsoul, les rats sont des animaux particulièrement bien adaptés à la ville. C'est extrêmement intelligent. Ouais. Extrêmement intelligent. Alors c'est intéressant parce que les animaux portent dans les villes portent un capital sympathie ou un capital antipathie important. Et donc évidemment le rat il faut s'en débarrasser, sauf cet égoutier très sympathique. le moustique tigre il faut s'en débarrasser, le scorpion il faut s'en débarrasser. Puis il y en a comme le hérisson qui ont un capital sympathie incroyable et qui sont les meilleurs ambassadeurs des élus. Avec voilà. Des cas pour le hérisson c'est à Nantes. Hein. Vous parlez des hérissons à Nantes, c'est devenu presque un marqueur de la bonne santé de la ville. Exactement, d'avoir parce des que c'est une espèce qu'on appelle parapluie. Donc, quand il y a hérisson, il y a 150 espèces faune et flore qui sont présentes. Donc, évidemment, c'est un signe de bonne santé. Alors, les espèces animales évoluent très vite. Elles adaptent leur comportement. Hein. On parlait dans la première partie de ces coyotes qui ont appris à traverser en fonction des feux. Mais on observe ça dans beaucoup de villes du monde où les animaux apprennent les codes de la ville et s'adaptent. Apprennent les codes de la ville et s'adaptent. Le hérisson dont on vient de parler, par exemple, il est intéressant parce qu'il a adapté ses horaires. Lui, il sort maintenant beaucoup plus tard, il sort vers minuit dans la ville, parce que comme ça, il évite les voitures. Si je pense notamment au merle aussi, près des aéroports en Italie, il va chanter de nuit pour éviter d'avoir les rumeurs des avions, etc. Donc effectivement, il s'adapte. Comportementalement parlant, mais ouais. Il s'adapte aussi physiologiquement parlant. Ouais. Et ça, c'est assez fascinant. C'est peut-être ce qui est le plus spectaculaire, hein, d'ailleurs. C'est qu'effectivement, très rapidement, on voit l'évolution à l'œuvre avec une sélection génétique qui s'opère et les animaux dont la forme se transforme de génération en génération. Vous avez des exemples? Ouais, la forme, la couleur. Enfin, il y a des choses tout à fait étonnantes. Il y a des choses qu'on voit. Par exemple, l'escargot en Hollande a sa carapace qui est devenue blanche en quelques générations pour se protéger des îlots de chaleur urbains. Il y a un poisson qui s'appelle le naseux noir qui, dans les rivières près des villes en Caroline du Nord aux États-Unis, comme la ville s'est étendue et que du coup imperméabilisation et du coup plus d'eau quand il y a des pluies se déverse dans les rivières, donc le débit de la rivière a accéléré et donc le naseux noir en quelques générations s'est allongé et sa forme hydrodynamique s'est renforcée pour pouvoir remonter le courant des rivières. Mmh. Voilà, les souris blanches de l'Hudson River à New York ont résisté, ont des phénomènes génétiques qui font qu'ils résistent aux acides gras, enfin tout un tas de trucs, parce qu'ils mangent dans les poubelles les pizzas et les bouts de hamburgers. Les restes des fast-food. Et du coup, leur capacité à digérer toutes ces graisses. À résister aux métaux lourds, ce qui est quand même assez dingue. Ouais, incroyable. Alors aussi des hirondelles dont la taille des ailes a rétréci. Ouais, pour permettre de faire des acrobaties plus rapides, parce qu'en fait elles chassent les insectes qui sont au ras du sol, et comme au ras du sol il y a aussi des voitures, pour éviter de se prendre un pare-choc, en quelques générations elles ont raccourci leurs ailes pour pouvoir virer plus rapidement, pour éviter en même temps les pare-chocs et en même temps les tours de verre. Ouais. Et on a aussi le cas des chauves-souris, parce qu'on trouve beaucoup de chauves-souris en ville. Alors les chauves-souris, c'est très intéressant parce que donc on en a besoin, c'est notre meilleur allié contre les moustiques tigres. Hein. On a aujourd'hui 50 départements sur 96 en France qui sont envahis par le moustique tigre. Meilleur allié, la chauve-souris, donc il faut lui faire de la place. On a changé il y a quelques années les les ampoules de nos éclairages électriques de ville. C'est devenu des LED. Le LED a une puissance telle que, une luminosité telle que, en fait, ça attire des insectes de nuit qui, en quelques générations, ont grossi pour résister à tous les prédateurs qui essayaient de les manger. Et nos chauves-souris ont également muté. Et donc, aujourd'hui, elles ont une mâchoire plus grande, plus grosse, pour croquer les insectes plus gros qui ont muté à cause de nos éclairages. Voilà. Donc, c'est une espèce de chaîne. C'est des réactions en chaîne. C'est des réactions en chaîne, mais c'est surtout des réactions particulièrement rapides. On voit sur quelques générations des caractères physique se transformer. Oui, en quelques générations, parce que le papillon de nuit vit très peu de temps, la chauve-souris vit très peu de temps, nous on vit malheureusement très longtemps. Oui, donc bah, on tant s'adapte mieux pour beaucoup, nous aussi. Oui, mais on s'adapte beaucoup moins vite. Oui. Nos villes, il faudrait qu'on les adapte plus rapidement, mais nous on s'adapte moins vite. Donc effectivement, c'est en quelques générations, et c'est d'autant plus impressionnant que on connaît ce cas en Angleterre, où ces papillons, ces phalènes du bouleau, qui étaient blanches et qui se posaient sur les écorces blanches, en quelques générations, sont devenus noirs parce que l'industrie du charbon avait fait déposer des nuages de suie sur les troncs qui étaient devenus noirs, et donc ces phalènes blanches étaient devenues noires pour résister aux prédateurs. On a coupé l'industrie du charbon, en 60 ans, elles sont redevenues blanches. Mmh. C'est assez fascinant. Parce que le tronc sur lequel elles se camouflaient était blanc. Redevenu blanc. Voilà. Ouais, incroyable. Alors les villes mettent parfois à leur service cette faune sauvage. Ça se passe au Pérou, à Lima, la capitale du Pérou. On a mis en place une brigade de vautours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les adore. Oui. Ils sont pas très nombreux, oui. Mais ils sont 4 ou 5. Mais c'est une brigade de vautours. Alors c'est des ouroubous noirs. J'ai pris beaucoup de plaisir à les dessiner tous dans le bouquin. Oui, parce qu'il y a des dessins. C'est vous qui avez fait ces dessins. Oui, j'ai adoré au dessiner crayon, toutes, là, ces, au toutes fusain, ces bêtes. Voilà. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est en dessinant que j'ai compris la bête, parce que on comprend son design et puis on essaye de comprendre dans quel milieu ils habitent. Et ces ouroubous noirs, à Lima, on les a équipés d'une GoPro, une petite caméra sur la tête avec un GPS. Et comme naturellement, ils cherchent les décharges publiques. Voilà, eux cherchent les décharges sauvages. Et donc, ils cartographient en temps réel les décharges sauvages qui se mettent en place dans la ville de Lima. Et donc, ils aident la municipalité à agir plus rapidement. Mais il y en a plein d'autres, des alliés. Hein, nous, on en a aussi. On a les chèvres des fossés, par exemple, qui entretiennent certains de nos espaces verts en région Île-de-France. Ce sont les seules bestioles qui arrivent à tondre la pelouse sur des talus très importants, et en mangeant notamment ce qu'on appelle la renouée du Japon, qui est une plante invasive très résistante. Les pigeons de nos villes, faut les voir comme des alliés? Alors, ils sont très nombreux et ils sont très très nourris. Il y a eu ce projet il y a quelques mois de la mairie du 10e qui voulait réintroduire des faucons pour se débarrasser des pigeons. Et puis, on a eu un très très grand tollé et des signatures par centaines des amis des pigeons qui voulaient garder ces pigeons. Parce qu'il faut savoir que le faucon réglerait le problème, très clairement à Paris. Mmh. Mais il le réglerait de manière sauvage, on va dire. C'est-à-dire que de temps en temps, vous risquez d'avoir un pigeon décapité qui vous tombe dessus au milieu de la ville. C'est pas toujours évident à gérer non plus. Ça créerait une nouvelle ambiance. Il faut peut-être essayer. Alors, au Puy du Fou, dans ce parc de loisirs, on a essayé, alors vous allez me dire ce que vous pensez de cette initiative, une escouade de corbeaux. Cette fois, ce ne sont plus des vautours, mais des corbeaux que l'on a dressés. C'est une association qui a fait ça pour aller ramasser les mégots et les jeter. Oui. Alors moi, je trouve ça amusant. Hein. C'est une anecdote c'est amusante. Un peu gadget. C'est voilà, on peut en parler autour de la table à Noël parce que ça, voilà, ça meuble. Mais ce qui est assez étonnant, donc c'est un principe très simple. C'est le test. C'est la même chose qu'avec un chien. Vous envoyez un truc, il vous rapporte la baballe, il a une croquette. Mm. C'est la même chose avec le corbeau. On l'a dressé, il rapporte un mégot, il ouvre une boîte et il reçoit une croquette. C'est un peu dommage, je trouve. D'abord, c'est dommage à deux termes. C'est dommage. La première chose, c'est que on aurait pu nous-mêmes jeter le mégot dans la poubelle. On ferait peut-être mieux de commencer par apprendre aux gens à jeter leur mégot. Peut-être que ce serait bien, peut-être moins compliqué. Et surtout, et d'autant plus, deuxième raison, que le corbeau est un oiseau extrêmement intelligent. On dit qu'il a le QI d'un enfant de 4 ans. Il est capable de créer des outils, notamment des longues feuilles qu'il va découper sous forme de harpons. Et ces harpons vont avoir des formes différentes en fonction des troncs dans lesquels il va les placer et en fonction des insectes qu'il veut pêcher. Mmh. Et en plus, il est capable de planquer les harpons pendant quelques semaines, de les retrouver et d'apprendre à d'autres corbeaux à faire des outils. Donc c'est un animal extrêmement intelligent. C'est peut-être un peu dommage de lui faire juste ramasser des mégots. Oui, c'est ça. Il y a peut-être mieux à faire avec un corbeau, peut-être aussi qu'on peut les laisser tranquilles. Parfois, la cohabitation est plus difficile. Prenons l'exemple de la bernache du Canada. Alors, une sorte de grosse oie, la bernache du Canada, qui était pendant un temps en voie de disparition, qui maintenant se porte bien, mais presque tellement bien qu'elle en pose des problèmes. Presque trop bien. On en faisait des doudounes, on la mangeait aux États-Unis, c'est en Amérique du Nord. C'était voilà. Donc, elle a quasiment disparu. On la protégeait parce qu'on s'est dit oula. Donc, légalisation pour la protéger. Et puis après, on est allé chercher quelques couples en Europe qu'on avait lâchés au 19e siècle dans les jardins pour faire joli. On les a reproduits sous captivité. Et puis aujourd'hui, il y en a 4000 dans la petite ville de Denver au Colorado et il y en a plusieurs millions aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Le problème de cette oie-là, donc c'est 1,75 m d'envergure, les ailes tendues, c'est qu'en choc frontal par rapport à un avion au décollage, c'est 10 tonnes de choc. Donc l'avion qui s'est crashé dans l'Hudson River, enfin qui a réussi à atterrir, à mérir, De manière assez spectaculaire, Clint Eastwood a fait son film là-dessus qui s'appelle Sully, c'est parce que l'avion avait rencontré une bernache. Et donc c'est un problème, il y a quand même 50 collisions par an entre des oies et des avions de ligne aux États-Unis. Donc c'est un vrai problème. Et premier problème, les avions, les collisions. Deuxième problème, les villes, c'est-à-dire que dans les villes, elles sont très très bien, ces oies, elles n'ont plus envie de migrer. Et oui. Parce qu'elles se trouvent le couvert, le gîte, enfin tout comme on disait tout à l'heure. Et donc elles sont là, le problème c'est qu'elles mangent 12 heures par jour, elles font 1,5 kg de crottes dans la journée, et donc tous nos parcs publics, etc. deviennent des espèces de boues impossibles. Donc on a aux États-Unis inventé ce qu'on appelle la police des oies. Ils dressent un chien pour qu'il ait la démarche du coyote pour faire fuir l'oie et pendant ce temps-là, on va craquer les œufs. Mais c'est pas la seule solution, la bonne solution. Bon, à mes yeux, la bonne solution, c'est de travailler les paysages, les milieux qui vont entourer notamment ces aéroports. Et c'est juste une question de hauteur d'herbe, c'est-à-dire que les oiseaux, et notamment les oies, vont aller chercher certains types d'invertébrés, certains types de petits coléoptères ou de vers qui sont dans les herbes. Si les herbes sont trop hautes, ils vont plus les trouver. Si les herbes sont encore plus hautes, ils vont plus voir venir les prédateurs. Et donc, en fonction de la hauteur de l'herbe, vous allez attirer ou repousser certains types d'oiseaux, et notamment les oies. Donc uniquement en changeant de légende sur le paysage de ces aéroports, on peut arriver à gérer la population d'oiseaux qu'on a envie de voir venir ou pas. Et c'est là qu'on comprend tout le rôle de l'architecte paysagiste dans ces histoires de cohabitation avec le monde sauvage. Oui, parce que ce n'est pas juste une pelouse autour de l'aéroport, c'est un jardin. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces milieux ont une intelligence, et aujourd'hui de plus en plus, on doit travailler avec ce génie du vivant, mais de manière holistique. Et voir la ville comme une mosaïque d'écosystèmes dans lequel le vivant végétal et animal doivent cohabiter avec nous, hommes, qui faisons partie de cette chose-là. Et donc il y a des règles, il faut une connaissance. Nous allons voir dans un instant comment certaines villes s'adaptent pour éviter de se transformer en piège mortel pour les animaux qui s'y aventurent. À Paris, la ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde. Ah, rien, saumon gagné pour la deux. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu. Un rat ! Attrapez-le ! Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée. Le temps s'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son Le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante. La nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour son cours d'y respirer. Au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée. La ville est souvenir, en vain chante ce train, et je sais où il mène, dans la gare désertée. Chante un autre avenir, l'amour suit. Rester. C'était Jean-Louis Aubert, Où je vis, et la programmation musicale est signée Muriel Pérez. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Toronto est la première ville à avoir implanté des lignes directrices respectueuses des oiseaux. Ici, on voit que le parc est situé tout près d'un édifice. Et cette combinaison a causé la mort de nombreux oiseaux. On a collaboré avec le propriétaire et les locataires de l'édifice, et depuis l'application de marques visuelles, les morts ont diminué de plus de 80 %. Regardez attentivement. Il y a des lignes horizontales. Ce motif a été choisi parce qu'avant, les fenêtres avaient des stores vénitiens. Les locataires n'ont même pas remarqué l'ajout du motif parce qu'il ressemble à ce qu'ils voyaient en regardant à travers les stores. Les lignes sont plus rapprochées que ce qui est conseillé par les experts. Elles sont posées sur la surface extérieure et leur contraste est fort. Elles sont très efficaces pour réduire le nombre de collisions sur cette façade. Extrait d'un reportage de TV5 à Toronto, diffusé en 2018. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Gilsoul, auteur de « Bêtes de ville, petit traité d'histoire naturelle au cœur des cités du monde » chez Fayard. Nicolas Gilsoul, on a un exemple très précis d'aménagement finalement assez léger, mais qui change tout pour ces oiseaux migrateurs qui passent à travers la ville, un peu malgré eux, et qui entraient en collision avec ces gratte-ciels parce que le reflet leur laissait penser qu'ils passaient à travers un paysage. Oui, oui, il faut savoir quand même, les chiffres sont étonnants. Hein. C'est 1 billion d'oiseaux qu'on balaye chaque année aux États-Unis au pied des tours. C'est énorme. Parce que des villes comme Chicago ou comme New York sont sur des couloirs migratoires importants. Donc effectivement, il y a des aménagements à faire, des adaptations à faire. Une autre adaptation qui va dans le même esprit, parce que c'est vraiment le miroir aux alouettes, hein, c'est clairement ça. Une autre adaptation, c'est par exemple, on voit de plus en plus fleurir nos gratte-ciels. Hein, on a des jardins verticaux qui entourent plus ou moins élégamment les tours. C'est la grande mode. C'est très bien. Mais le problème, c'est que ça attire aussi énormément d'oiseaux, ces choses-là. Et donc, ce serait intéressant de changer, là encore une fois, de légende et d'imaginer une autre mise en lumière de nos villes la nuit. Parce que on a tendance à éclairer ces jardins, puisque c'est la chose qu'on veut donner à voir. Mais si on éclaire le jardin, on empêche la faune qui pourrait s'y réfugier ou de vivre sa vie. Donc là, par exemple, il faudrait inverser, c'est-à-dire éclairer les vitrages pour permettre aux oiseaux de les voir et garder tous ces jardins dans l'obscurité pour permettre aux chauves-souris et aux insectes de, eux, se développer de manière intelligente. Mmh. Voilà, donc il y a plein de petites adaptations à faire, mais qui nous demandent aussi des efforts de notre part, humains, pour accepter un changement de paysage de nos villes. Ouais. Et puis, aussi penser à créer des petits aménagements dans les façades des immeubles pour justement que les animaux puissent y trouver leur place, une place dans les interstices de la ville. Exactement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, moi j'aime beaucoup travailler là-dessus, c'est sur l'épaisseur de la façade. On ne parle plus de façade, du reste on parle de peau de la ville, du peau du bâtiment, et dans cet épiderme, plus ou moins épais, on peut avoir des fractures, on peut considérer que ce n'est plus une façade mais une falaise dans laquelle il y a des gorges, il y a des creux, il y a des grottes, il y a des replats. Alors là où ça devient intelligent, c'est quand ces gorges, ces replats, ces interstices et ces creux sont travaillés en bonne intelligence et en bonne connaissance du vivant qui peut s'y développer. Parce qu'on voit aussi pas mal de projets qui travaillent le marketing là-dessus, et puis après il y a aucun animal qui s'y développe parce que c'est mal foutu, parce que c'est trop chaud, parce que c'est trop petit, parce que c'est trop ceci ou parce que c'est trop cela. Voilà. Donc il faut travailler avec une bonne connaissance du vivant. Et alors des animaux que l'on pourrait accueillir comme ça dans les façades, on citait les faucons. Les faucons, finalement, peut-être que leur salut passera par la ville, parce qu'effectivement, ils ont connu aussi une période de creux, et puis ils sont en train de renaître. Voilà, ils sont en train de renaître, et parce qu'on les a chassés, parce que on les a empoisonnés, ils sont en train de revenir. Tout ça est très résilient, mais en même temps, on a vu les dernières listes d'espèces menacées de l'Union internationale de la conservation de la nature, hein, 30 000 dessus, il y en a 10 qui sortent de la liste et qui deviennent orange. Mmh. Super, bon, donc la proportion, elle est encore difficile. Le faucon, aujourd'hui, moi je travaille sur une tour, sur un projet de tour de 150 mètres de haut, et les trois derniers étages, je les laisse au faucon. Donc c'est intéressant, parce que comment, de quelle manière, finalement, à cet endroit-là, il n'y a pas de varapeur, donc ils vont pas être ennuyés, il y a très peu de deltaplanes qui vont aller juste au-dessus, donc ils seront beaucoup moins ennuyés, donc c'est possible, mais ce sont des clients très difficiles. Et donc c'est intéressant de travailler avec ce genre de clients aujourd'hui pour un architecte. Et alors voilà, comment vous ménagez une place pour ces clients-là que sont les faucons ? On met en place un milieu qui sera propice à leur développement. Donc pour les faucons, c'est principalement de pas être ennuyés. Donc c'est un milieu où leur intimité est assez grande, ils ont l'espace suffisant, les dimensions suffisantes, ils ont des proximités des co-visibilités sur ce qui se passe en dessous pour pouvoir aller chasser, puisqu'ils vont chasser en plongée. Et puis surtout, il faut pas de lumière et il faut pas de bruit et pas de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire sur les trois derniers niveaux, parce que ces trois derniers niveaux qui ne servent qu'à couronner, c'est le chapeau au-dessus de la tour, il n'y a pas d'habitation à cet endroit-là. Je pourrais pas le mettre s'il y avait une habitation. Ouais, mais vous n'avez quand même pas construit ces trois derniers niveaux uniquement pour les faucons. Non, c'est l'architecte qui les a dessinés pour couronner le machin. Et moi, j'ai dessiné les jardins. Et je leur ai dit, voilà, ce qui est intéressant, c'est d'amener le faucon à cet endroit-là. Mais dans ce cas-là, une fois qu'on a bâti ça, on attend que des faucons viennent s'installer, ou est-ce qu'on va on va pas les chercher. Disposer des faucons. Le faucon, on va pas le chercher. C'est comme le coyote, on va pas le chercher. C'est comme le renard, on va pas le chercher. Il vient s'il a envie, s'il trouve les bonnes conditions, il s'installe et il se développe, il nidifie, il fait des petits, etc. Et il revient. Ce sera où cette tour ? À côté de la gare Matabio, sur le canal du Midi, à Toulouse. À Toulouse, donc. Allez, on s'éloigne un peu, on retourne en Australie, du côté de Canberra, où on trouve des kangourous, ça n'est pas étonnant, mais on en trouve en grande quantité, et on déplore de mémoire 200 collisions avec des voitures, entre voitures et kangourous, par an. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors c'est compliqué, mais en réalité, là encore, c'est une question. C'est-à-dire, on a une île, on a une très grande île, et sur cette île, il y a 25 millions d'humains, et il y a 50 millions de kangourous, donc c'est Battle Royale, faut savoir qui va gagner, et évidemment, les kangourous sont classés là-bas comme des nuisibles ou des indésirables, parce que ce sont des herbivores. Mais si on réfléchit deux minutes, avant l'arrivée des colons, c'était une forêt, les colons sont arrivés, ils ont viré la forêt, ils ont amené du bétail, qui ont commencé à brouter, système de pâturage, et donc tout ce bétail a évidemment mangé l'herbe. Aujourd'hui, changement climatique, là on voit les grands incendies et tout en ce moment en Australie, et donc il n'y a plus assez d'herbe, ni pour le bétail, et forcément pas pour les kangourous. Donc quand le kangourou mange de l'herbe, il dérange. Donc on le dit nuisible, et du coup on lui trouve toutes les pires choses possibles pour pouvoir l'éliminer. Pourquoi des collisions ? Parce qu'en réalité, dans les cœurs de ville, et notamment à Canberra qui est la capitale, on arrose les parcs, on arrose les hippodromes, etc. Donc le kangourou, il vient chercher de l'herbe fraîche en ville. Et le problème, c'est que ses horaires de déjeuner, de dîner, correspondent avec celui des nafteurs. Et comme le kangourou, donc Canberra s'est développé autour, il y a tout un tas d'aires pavillonnaires, des maisons avec des jardins privés, avec des haies, avec des murets. Et donc le kangourou ne peut pas passer, même s'il saute, il peut pas se passer au-dessus des murets, et donc il est obligé d'emprunter la route. Donc, collision. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On choisit, et donc il y a des aires de protection de ces kangourous, il y en a de plus en plus dans les villes aujourd'hui, mais la vraie solution, ce serait aussi de travailler, non pas des trottoirs à kangourous, mais de repenser ces jardins de pavillonnaires, pour leur permettre de traverser. Ouais. Des kangourous-ducs, quoi, comme il y a des aqueducs, Des crapauducs. Ou des crapauducs, voilà, en France. Sauf que là, on les force. C'est-à-dire que le crapauduc, c'est un tunnel, et puis vous dites au crapaud, tiens, tu passeras par là et tu passeras pas ailleurs. Mmh. Si on repense l'ensemble du maillage des jardins du pavillonnaire autour de Canberra, il n'est plus question d'un trottoir ou d'un tunnel à kangourous, mais c'est simplement un paysage qu'on traverse et qui est partagé. Pour l'anecdote, des kangourous, c'est pas forcément obligé d'aller jusqu'en Australie pour en croiser. On en croise dans les Yvelines. Oui, à Émancé, j'adore ça. Qu'est-ce qu'ils font là ? Alors, c'est grâce à cause d'une tempête, la fameuse tempête tempête de 99, Lothar, qui a soufflé notamment des arbres du côté de Rambouillet sur les clôtures du château sauvage, qui est une espèce de petit zoo local. Et donc il y a des petits kangourous qui se sont échappés. Ces petits kangourous, des wallabies de Bennett, se sont échappés et ils se trouvent extrêmement bien dans la forêt des Yvelines. Donc ils se sont développés. On les a pas chassés parce qu'il n'y a pas de permis de chasse. Et donc aujourd'hui, de temps en temps, il y a évidemment collision sur la route. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que la ville d'Émancé est la seule ville en France qui est capable de délivrer un permis aux assurances pour dire qu'effectivement, telle ou telle personne a rencontré un kangourou sur la route et a eu un accident. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, vous, Nicolas Gilsoul, dans vos pratiques d'architecte, que cette question de comment faire cohabiter le monde sauvage et la ville est de plus en plus présente quand on élabore les projets urbains ? Alors, c'est présent dans les textes et c'est présent dans les revendications des experts en écologie. C'est peu présent encore dans les aménagements, dans les projets d'aménagement, et c'est peu présent au-delà des effets d'annonce électorale dans la pratique. On parle de corridors écologiques, donc de trames vertes, bleues, rouges, machin, brunes, noires, ça c'est vrai. Mais penser le paysage de la ville à partir des stratégies animales, c'est encore peu développé. Et donc, je pense qu'il faut qu'on y arrive. On peut mieux faire. Ah oui, il faut. Le monde sauvage a sa place en ville. Absolument, il l'apprend. Il la prend, mais il faut la protéger, parce que sinon elle disparaîtra. Merci Nicolas Gilsoul. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Bête de ville, petit traité d'histoire naturelle au cœur des cités du monde, avec vos dessins. Hein, oui. Vos dessins, je le précise parce qu'ils sont très beaux et ils parcourent Merci. Tout le livre. Allez, dans un instant, nous quittons la ville pour partir en montagne, dans les Alpes et le Jura, sur la piste du Loup avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand. Marika Ackman, c'était Wolf. France Inter. Du vent dans les synapses. Ah, c'est tout frais. Il y a des traces partout. Ça sent la meute structurée, efficace. Le jeune loup est clairement en danger. Le premier ennemi du loup, ce sont les autres loups. Le jeune loup est introuvable, invisible. La meute, elle, se montre. Elle protège son territoire. Bonjour Jean-Michel Bertrand. Bonjour. Nous venons d'entendre un extrait de votre film « Marche avec les loups » qui sortira le 15 janvier prochain. Mais on peut déjà découvrir le très beau livre qui accompagne ce film « Marche avec les loups » aux éditions de La Salamandre. Les photos superbes sont de Bertrand Bodin. Alors le film, comme le livre, raconte la suite d'une aventure que vous aviez commencé avec un premier film sorti en 2017, « La vallée des loups ». Vous étiez parti dans une vallée reculée des Alpes, la vallée de votre enfance, où vous aviez le sentiment, l'intuition qu'une meute de loups avait dû élire domicile. Ouais, c'était ça. Ça a été une immersion pendant 3 ans pour essayer de croiser le regard des loups, de me faire tolérer sur ce territoire. Et ça a été difficile d'en sortir de ces 3 années dans la vallée des loups. Alors ça, comme vous dites, 3 ans, parce que alors vous, au bout de quelques mois, vous aviez croisé au détour d'un chemin le regard d'un loup. Donc vous saviez qu'il y avait au moins un loup de passage. Après, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps pour enfin qu'ils acceptent, en tout cas qu'ils vous tolèrent sur leur territoire et qu'ils se montrent un peu, et vous avez pu les observer, les filmer. Ça a été un peu une étude de leur comportement aussi. C'est rare d'observer des loups en pleine nature, à l'état sauvage. C'était vraiment le but, c'était d'essayer de voir et de filmer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Et cette aventure a été bien au-delà de ce que j'imaginais. Ouais. Parce qu'au départ, je me suis dit, si tu vois un loup à 300 mètres, voilà, il sera là et ce sera déjà énorme. Et en fait, j'ai réussi comme ça, à force de rituels, de petits pipis posés par-ci par-là. Ouais, et marquer son territoire. Marquer son territoire. Se faire connaître. Et puis, ritualiser aussi les bivouacs. J'ai réussi à avoir beaucoup plus qu'un simple loup. Et puis, vous avez décidé de partir, de quitter cette vallée et ces loups. Pour quelle raison vous vous êtes dit, je ne dois pas rester trop longtemps? Il y a un moment où j'ai eu les louveteaux, pas très loin de moi, le fameux site de rendez-vous, les louveteaux retrouvent la meute, les adultes, enfin ça a été des moments très forts. Et là, on se dit, le cadeau a déjà été énorme et il faut savoir ne pas être trop gourmand. Il y a un moment où il faut vraiment s'arrêter et se dire que le but n'est pas de les habituer. Parce que les loups, évidemment, n'ont pas que des amis, qui doivent rester des loups, et moi, un observateur privilégié. Et à un moment, j'ai décidé de me retirer, parce que j'en avais eu déjà beaucoup plus que ce que j'espérais. Vous vouliez les laisser tranquilles, vous ne vouliez pas qu'un lien trop fort se noue entre vous et eux. Oui, c'était vraiment le message aussi que j'ai voulu faire passer par rapport aussi aux passionnés de nature, ou aux photographes, qui pourraient avoir envie d'en avoir toujours plus. Ouais. Moi, je pense que pouvoir croiser ce regard à 80 mètres au plus près, puis souvent à 100 ou 150 mètres, c'était déjà suffisant. Et à un moment, je dois retourner chez moi et eux restent dans cette vallée. Alors, vous n'avez pas complètement rompu avec cet univers et avec ces loups. Vous vous êtes mis en tête, et c'est l'objet de votre livre et de ce deuxième film qui va sortir le 15 janvier, de suivre un loup. Parce que la meute ne peut pas être trop dense. Donc, quand la population de loups augmente, eh bien, les plus jeunes s'en vont. Et là, vous vous êtes dit, les jeunes loups de cette meute, où vont-ils aller? Par où vont-ils passer? C'est ça l'objet de votre nouvelle quête. C'est vraiment ça. Et donc, plus qu'une suite, c'est un prolongement. Ouais. C'est vraiment la suite logique, le prolongement de la vallée des loups. On va quitter, on va sortir du bocal, qui était rassurant, évidemment. Et je vais essayer de comprendre ces fameux phénomènes de dispersion. Mmh. Et essayer de faire comprendre aussi au public comment fonctionnent ces grands prédateurs et ces grands équilibres biologiques qui font, comme vous le disiez, que ils ne sont jamais trop nombreux sur le même territoire. Mmh. Il y a vraiment une régulation qui se crée comme ça. Pour moi, c'était important de le raconter, de l'expliquer, parce que pas tout le monde ne le sait. On a toujours l'impression qu'il va y avoir plein de loups partout. Et pour moi, c'était déjà un message essentiel. Et sortir de la vallée, c'était aussi se poser la question de se dire des hommes, de la nature, des animaux sauvages qui empiètent sur le territoire de l'autre. Oui. Avec cette surprise aussi, parfois vous traversez des lieux, des zones très urbanisées avec cette idée que les loups, au moins en transit, peuvent passer par des endroits très fréquentés par l'homme. Ben oui, c'est ça. Et j'avais un exemple qui était assez édifiant. C'est un jeune loup qui s'était fait tuer par une voiture dans la zone commerciale de Grenoble, ouais. Sur la 2x2 voies, dans une zone mais vraiment commerciale. Et je m'étais dit, si un loup s'est fait écraser là, c'est que d'autres ont tenté le passage pour passer d'un massif à l'autre. Et Grenoble était vraiment un vrai symbole de ça. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des loups un peu de tous les côtés. Et pour moi, c'était important de traverser ces zones urbanisées. Alors, pour essayer de les suivre et de les comprendre, ces loups, vous utilisez des petites caméras à déclenchement automatique, hein, qui vous avertissent sur votre téléphone portable dès que quelqu'un ou quelque chose passe devant. Ouais. Des fois, ce sont des loups, des fois, autre chose que des loups. Mais ça vous donne quand même un aperçu. Au tout début, finalement, vous le suivez pour de bon, ce loup. Et puis ensuite, c'est un peu un voyage, c'est à l'intuition. Vous vous dites, il aurait pu passer par là, mais vous n'êtes plus très sûr d'être sur les traces de votre loup, de votre vallée de départ. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a été un film beaucoup plus difficile à faire quelque part que La Vallée des Loups, qui était plus simple, parce que je cherchais les loups, je les voyais pas, je les voyais, j'étais... Alors que là, on est beaucoup plus sur un voyage parallèle, au second degré, avec... toujours, ce qui est essentiel pour moi, de vrais loups sauvages filmés dans leur milieu naturel. Et c'est pour ça aussi que, à un moment donné, on s'en fiche que ce soit mon loup ou un autre. Ce qui est important, c'est de suivre ce cheminement. Ouais. Et les caméras automatiques, ces fameuses caméras à déclenchement automatique, nous ont apporté des images extraordinaires. Et j'ai vraiment voulu les mettre en scène, les rendre actrices de ce film, parce qu'elles nous racontent beaucoup de choses. Alors, vos pas vont vous mener loin, hein, de cette vallée de votre enfance, de cette vallée secrète, hein. Vous voulez pas nous dire exactement où c'est pour qu'on la laisse tranquille. Vous êtes allé ensuite jusque dans le Jura. Et là, alors, est-ce qu'on dit ou pas aux auditeurs si vous avez trouvé des loups ou pas dans ce Jura? Alors, est-ce qu'on leur laisse la surprise dans le livre ou dans le film? Ou est-ce qu'on peut dire ce que vos caméras ont capté? Déjà, il y a le lynx, hein, dans le Jura, ça on le savait. Ben oui, moi j'étais, en fait j'ai choisi le Jura aussi de façon comme ça, intuitive. Moi je fonctionne toujours à l'instinct et je me suis dit le Jura, les loups y sont passés. On a déjà eu des empreintes, il y a des gens qui ont pu voir que des loups étaient passés mais de façon très comme ça, furtive. Il n'y avait pas d'installation de meute dans le Jura et puis il y avait surtout le lynx. Et je me disais, je vais aller dans le Jura parce que si je vois pas de loups, ben peut-être que je vais pouvoir croiser le lynx qui est aussi un animal pour moi complètement mythique. Et je sais pas si on peut dévoiler. En tout cas, il s'est passé un truc, je crois que ça vaut la peine de le dévoiler quand même, parce que il s'est passé un truc un peu miraculeux. La réalité a dépassé la fiction. Complètement. Et sans raconter le film, parce que le film, voilà, il est comme une enquête, comme une histoire, et on va pas tout dévoiler, mais ce qu'on peut dévoiler, c'est qu'une fois qu'on a terminé le film, c'est-à-dire que j'ai terminé de tourner en avril 2019, Et j'étais dans une cabane, un endroit de rêve dans ces forêts jurassiennes, une petite cabane où j'ai passé du temps, c'était fabuleux. Et au mois d'août 2019, à 3 kilomètres de cette cabane, il y avait des louveteaux. C'est-à-dire que j'ai eu cette intuition d'aller dans le Jura en espérant, comme pour la vallée des loups un peu, de se dire, ben voilà, si on a quelques empreintes, si on a un loup sur les caméras automatiques, ça voudra dire qu'ils sont aussi passés par là. Et en fait, la réalité a dépassé la fiction. Et si j'étais resté 6 mois de plus, j'aurais pu filmer des louveteaux dans le Jura et la première installation dans le Jura. Avant votre film, on n'avait pas encore vu de loups dans cette région-là de la France. Non, on en avait vu passer. Des solitaires, justement, comme il peut y en avoir partout, qui peuvent aller très loin, parce que les loups ont vraiment un pouvoir de dispersion impressionnant. Mais c'était que ça. Alors que là, depuis 2019, on a une preuve de l'installation d'une famille, d'une meute dans le Jura. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la répartition des loups sur la surface de la France? Ben, la plupart des loups sont quand même concentrés dans les Alpes, mais tous les territoires commencent à être un petit peu occupés. Ouais. Et donc, comme on le disait au début, les loups font le ménage parce que le premier ennemi du loup, ce sont les autres loups. Et ça, je le dis dans le film, on l'a entendu. Et donc là, on a de la dispersion qui est encore plus importante et d'autres massifs comme le Massif central, comme les Pyrénées, où les loups sont déjà arrivés, mais que des mâles, donc il n'y avait pas eu de reproduction non plus. Les Pyrénées et d'autres régions de France sont petit à petit reconquises par les loups. Il y aura un troisième volet à cette aventure avec les loups, Jean-Michel Bertrand? Je sais pas, j'ai toujours beaucoup de mal à sortir d'un film et à me projeter, mais il y aura un autre film, ça c'est sûr. Et là, quand je vais rentrer chez moi dans les Hautes-Alpes, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller relever mes caméras automatiques, parce qu'elles sont toujours là et ça ne s'arrête s'arrête jamais. Donc c'est vraiment une drogue dure. Je rappelle le titre de votre très beau livre « Marche avec les loups » aux éditions de La Salamandre. Les photos sont de Bertrand Bodin. Et puis le 15 janvier prochain sortira donc votre film « Marche avec les loups ». Vous viendrez en parler dans « CO2 mon amour » de l'ami Denis Chessou, dimanche 5 janvier à 13h20. Merci à vous Jean-Michel Bertrand. Merci de m'avoir invité. Et à samedi prochain pour de nouvelles découvertes.